flow. Tu connais, mais je me présente. Mes textes sont hard à cause des Young J et je fréquente. Toi dans le rap, c'est impossible ma gueule. Ce serait pas crédible, un peu comme Barthez avec une coupe fashion. Rappelle-moi Bolos, tu changeras peut-être. Trop dégoûte, ça tu dégoûtes quand tu vois le nombre sur MySpace. Pas de chance, je braque ta diligence. Si tout le monde court, c'est pas loin, y'a un gun qui chante. Depuis que je pose mes couilles, les faux sont dégoûtés. Les vrais savent comment que c'est. J'ai des demandes de tous les côtés. Je sais qui sont les vrais et qui sont les faux. Mais putain, c'est toujours les mêmes merdes qui font les fous. Qui peut taise? Mais qui peut taise? Personne there, ouais ma gueule, faut rester réaliste. Les MC font brrr, mais sont des brrr. C'est méchant quand la hisse vient se poser sur du sol. Qui peut taise? Mais qui peut taise? Personne there, ouais ma gueule, faut rester réaliste. Les MC font brrr, mais sont des brrr. C'est méchant quand la hisse vient se poser sur du sol. J'attendais sûrement le deuxième couplet. Tu me dis que t'as des couilles, je te crois pas. Mec, vas-y couplet. J'ai le flow de diamant, toi t'es du cristal. C'est trop ouf quand le gamin vient de la Rissa. J'te donne ça pour pas cher, j'suis pas morphale. Toi tu rappes de la merde, on dirait que ça sort du trou de balle. Ça fait mal quand le luxe augmente le niveau. Mes sons sont tellement fat, ils sont un peu comme Joe. Mon rap c'est Al-Qaïda, rappelle-moi Ben Laden. Ta meuf t'a oublié après le premier coup que je lui donne. Billy Camp de California, head of Brooklyn. Trop style, mais très loin d'être tout clean. Qui peut taise? Mais qui peut taise? Personne there, ouais ma gueule, faut rester réaliste. Les MC font brrr, mais sont des brrr. C'est méchant quand la hisse vient se poser sur du salt. Qui peut taise? Mais qui peut taise? Personne there, ouais ma gueule, faut rester réaliste. Les MC font brrr, mais sont des brrr. C'est méchant quand la hisse vient se poser sur du sol. Pour deux couplets écoutés, t'as le troisième gratuit. Histoire que les haters soient d'aigle et se suicident. Alors hein, qui a parlé de me tarter? Ça parle mais c'est toujours les mêmes tarpés. Ferme ta gueule quand je sors le tarpé. Ça va douiller alors toi et tes guignols partez. T'es tellement nul, t'auras jamais tes showcases. I just need more cash, mon CD tourne dans les caisses. Les MC merdiques viennent se prendre trois couplets de leçon. Je viens de me faire au moins des haters avec ce son. Qui peut taise? Mais qui peut taise? Personne there, ouais ma gueule, faut rester réaliste. Les MC font brrr, mais sont des brrr. C'est méchant quand la hisse vient se poser sur du salt. Qui peut taise? Mais qui peut taise? Personne there, ouais ma gueule, faut rester réaliste. Les MC font brrr, mais sont des brrr. C'est méchant quand la hisse vient se poser sur du sable.